balance un son. Depuis le début je me dénonce. 3-4-7-130 hors norme. Avec la force du nom. T'as pas vu passer mon nom. Toi et ta famille qui sombre. A-L-O-N, la force du nombre. Et qu'il y en a rien à foutre de l'ombre. J'ai passé du temps à l'ombre. Et tes amis qui sombrent. Des tractions et des bombes. Je te fais dégager à coups de bombe. Que je te fais avaler une pomme. Et tu verras ce que sera un homme. Si je te fais bouffer des patates. Et tu verras ce que sera à l'homme. Je traîne dans la zone pour un son. Pour débiter petit, je reviens pour débiter. Je reviens encore pour la monnaie. Je reviens aussi pour polonais. Je reviens pour dire tous mes collègues. Je reviens pour dire qu'on t'a plus de sec. Je reviens pour dire qu'on est sur la scène. Je reviens pour dire que mon clip en sec. Près de chez moi, des jeunes qui soient. Près de chez moi, des types qui boivent. Près de chez moi, j'envoie les droites à deux bras. Tu tournes à droite, tu sens que le son il déboîte. Putain, passe pas dans les boîtes. Allons, qui convoite. Je sens que t'as les mêmes watts. Et tu connais, m'emmène toi, tu très lourd. Ouais, ouais, du froid. Tu sais que je te déboîte. Petit fait péter les watts. Où tu vas manger des droites. Encule Sarko et le droit à LO. N est à droite. Et c'est toi qui es à droite. Vas-y, trace ta route tout droit, j'ai marre et te fous droit. Tout jeune hors la loi, pas forcément malade, bah fais un grand saut sur le toit. Tout qui vole des durs voix, bon tu te revois.